ne plus attendre, ne plus espérer. Ici et maintenant. Le piano. Demain, depuis le temps, tu t'en contentes. Demain, c'est pas demain, que tu sois content. Demain. Pourtant, tu t'en contentes. C'est tout ce qu'on propose revenons maintenant. Tranquillement à notre rhizomatique system. System. Ouais, tu le sais, t'aimes ça. des coups d'état, des choses. Et tu t'en contentes docilement. D'un coup des tas de choses me reviennent. Des coups d'état. Car... Tu le vois celle-là. Tout ce qu'on ne dit pas. Et ailleurs c'est pas comme ça. Ici des coups. J'ai fait coup d'un coup d'état. Fidèlement service. Choses font sens. Je crois que jusqu'ici, tout d'un coup des tas de choses. Un nouvel affront. C'est pas comme ça ici. Amont. Un nouvel affront populaire. Tout d'un coup des tas de choses me reviennent. Resitue la situation dans une plus grande situation. Me reviennent 1936 en ligne de mire. Pathétique. Tout d'un coup des tas de choses. Olympique. Me revient. Politica. Fascista. Olympica. Il compte sur ton oubli. Il compte sur ton oubli. Olympica. Du pain et des jeux. Tant pis si tu travailles un peu plus vieux. C'est le jeu, c'est le jeu, mon ami. Tu rentres dedans ou tu sors. Tu l'aimes ou tu la quittes. Où tu la quittes. Engagement, voiture. C'est comme ça mon vieux. Engagement. C'est comme ça les jeux. Voiture. Engagement. Voiture. Engagement. Du pain. J'ai faim. Assaisonné à souhait. Pour le peuple de France, puisque je sais ce qu'il veut, le peuple de France, mais ceci n'est pas la question. Thank you. Such a pleasure. Universal. C'était super. Jam. Moi, mon téléphone, il est tombé en panne. C'est pour ça que t'as perdu un viewer. C'était moi. Ouais, c'était mieux. C'est mieux que d'hab, hein. Non, c'est super. J'adore ce que vous faites. Wow. Des bisous. À bientôt, Thiel. À bientôt, poteau, sur un stream. Sur un stream. Try to play with you. en plus ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Ninja. Everybody. Allons vers ce nouveau millénaire. ensemble, main dans la main en formation. Pourquoi pas? Des cascades, des forêts, des rivières argentées, dont la pureté de l'eau reflète la lune. Argentée, elle aussi. I'm sorry. Dans la pureté de l'eau. Because when we're feeling sad, I need the beer. We go to the river. Quel... C'est trop bien. Was murky. Je te fais des gros bisous. Jusqu'à l'os. C'est clair. C'est plus clair comme par hasard. Ouais. C'est sympa. Allons-y. Sympa. On est sympa. On aime, Allons-y. Je viserai la date du coup. Moi j'ai déjà bien usé, mais mes voisins, j'ai déjà bien usé. On m'a fait les voisins et tu sais, il faut pas abuser, tu sais, j'ai déjà bien usé. Alors on m'a fait. Reste avec moi encore un peu, regarde comment ça se développe. Encore un peu, tu vois. Ça fait longtemps que t'étais branché. Moi pas. Mais pas pour plus que ça. Mais il faut épargner, tu vois. S'il y aura la police chez moi, et pas dans y a le même contexte, la même situation. Tous les jours ça le fait pas. Mais je sais pas m'arrêter moi non plus. Je vois qu'on est dans le même mood. Je vois qu'on est dans le même mood. On peut s'aimer, qu'on peut danser, qu'on peut chanter. Comme ça, ça repart jamais. C'est quand t'as fait un jam. Quand tu commences, tu sais plus t'arrêter. De chanter, de danser, de faire du... Un peu excité, un peu communier. de partager. Comme ça monte, comme ça vient. Un peu tu tranquille, comme ça tu sais. Un peu de moi-même, de moi c'est vrai. Tranquille, plus ou moins. Doucement, doucement. Plus ou moins tranquille. Plus ou moins doucement. Plus ou moins tranquille. Doucement, plus ou moins. Ça vient comme ça. Ça monte une vague, comme une envie. Comme un, comme un, comme un. Hey. Hey. Oh comment, comment ça vient, comment ça monte, comme une orgie impie, comme une mamelle vache, comme une mayonnaise, mais comme une obésie, c'est pas comme ça qu'on fait non plus ici. Demande, comme une envie, demande, sur la page. Guettez pendant break, je vais y laisser la bonne planche. Et je suis bien comme placé pour voir mes lancers comme dans une glisse, tu sais, ça dure pas comme longtemps, c'est vrai. Mais y'a que pour ça que j'aime jouer. Comment ça dure pas, ma baby, comment t'es rien pas qu'est passé. Il faut à nouveau nager. Comme un rêve, il faut se lancer à l'eau, il faut y aller, faut ramer. Mais tout le monde ici ne voit que la glisse, le temps d'un instant. With a lot of players. Tout le monde oublie les vagues. Fais le moment, la pratique. Allié à l'essentiel. Comme une envie, il faut se placer pour réaliser. Comme une envie, ça monte comme la nuit. Pragmatique comme une envie, comme une envie. Faire l'amour, c'est méga cheesy, en même temps c'est le truc inaccessible aussi, tu vois. Ça marche pas tout le temps, c'est pas sûr comment. Quitte. Putain, quitte les humains, gros gros. Quitte chez vous. Perdre ton mariage des années après. Faire l'amour. C'est qu'un cadeau inespéré. Un mensonge. C'est comme si. Comme une envie. Bestial et sexy, ça c'est easy. Gros, c'est où est-ce qu'on y est. Bestial et sexy. Gros envie. Tant pis, plus jamais nous ne ferons l'amour. Yeah. Yeah. Tant pis. Comment? T'as plus 18, tant c'est plus le temps, c'est fini comme une envie. Comme une envie, comme une envie, comme ça. inaccessible, c'est fini. Partager ton corps, nos esprits. De faire alliance. De s'entrelacer. Commune envie. Y a comme une envie. Une commune. De faire l'amour. Envie. Chère. Y a comme une envie. Comme une envie. Comme une envie. Comme une envie. Comme une envie. Je t'efface ce putain de. Commune envie. Y a comme une envie. Comme à Paris, la commune. Comme commune Paris, en vie. La commune en vie. La commune. De faire la révolution. Pearl Harbor. Ces putains de Jeux Olympiques. Commune en vie, commune en vie. Pearl Harbor. Commune en ville, commune en ville. Commune en ville. Il y a commune en vie. Pearl Harbor. Comme une envie de t'embrasser. On s'en fout, putain. Comme une envie, comme une envie. Ce putain de Jeux Olympiques. On n'a pas de gouvernement. De te sourire. Comme une envie, comme une envie, comme une envie. D'essayer. Comme une envie, comme une envie. Arrêter de se faire sans raison. Baiser, faire l'amour, oui, mais. Putain. Devant l'évidence de la catastrophe, y'a comme une armée de bâtards. Et comme une envie, il serait. Devant l'évidence de la catastrophe, de s'électrifier et de se relever. Ceux qui dénoncent, ceux qui s'indignent, ceux qui s'organisent. Comme une envie, comme une envie. De s'organiser. Comme une envie, comme une envie, comme une envie. Il est 8h42 du matin ici. De danser. De faire bronzer. De libérer la Bastille. Commune. De faire tomber. Commune. S'invite. Marie. Antoinette, c'est. Allons. Oh, tu viens te lever. Ça va se mieux. Mais je comprends que t'es envie de baiser. Il y a comme une envie de bien passer sa journée. Mais t'es dialogué. Paris. 8h de dialogué. Paris, mais. Il y a comme une envie. Nous, on est dans le sud de la France. Comme une envie d'oublier ce qui se passe en tu mets état. Tout ce que tu veux derrière. Des choses, un coup d'état. Des de choses me reviennent. À l'intérieur, à l'extérieur. C'est pas comme si on avait voté. C'était fait enculer. C'est pas comme si ils avaient triché. Aux trois dernières élections. Aux deux, pardon, sont fait attraper. Et personne doit bouger à cause des jeux, tu sais. C'est la trêve, c'est la vie plaisante. C'est la grève bientôt, j'espère. Qui nous ramène. Et dans l'état, il y a le carré VIP, ça. Damenzio l'avait prédit. La zone VIP. C'est la trêve olympique, c'est la trêve olympique, c'est la trêve olympique, c'est la trêve olympique. On bientôt la crève. On t'avait dit qu'il fallait pas en parler. On t'avait dit qu'il fallait pas en parler. C'est la trêve olympique, c'est la trêve olympique, c'est la trêve olympique, c'est la trêve olympique. On t'avait dit qu'il fallait pas en parler. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, Robert. Bientôt parquet. Ouais, pour ça que je t'aime, comme toute ta gueule, Robert. Je n'ai pas peur de la violence. Il faut voir ce qu'on nous fait voir. Tranquille, posé, dans un meublé. Les détours, pas peur de la route, qu'on nous fait prendre changer. Pour nous distraire, nous distraire. Ils ont bien trouvé quelqu'un à tuer dans une cité. Il faut voir les détours, mon amour. Allez, on part sur autre chose. Les contours. Love, yes. Because we are about is a to burning sing. Fire. We are about to talk. We are about to ride. Yes, we are able, okay. Burning fire. Sensation. go to the river again. Need to go to the river again. Oh, when, I need you to river again. I need you to go. River. To go again. Moon. River. Need to go. C'est tout. Non, t'inquiète pas, c'est juste que c'est difficile de synchroniser. Wadi, t'es fatigué. Wadi, tu me manques, mon ami. Merde. C'est parti. Thank you. Come on. Hey. The level, an evolution. Yeah, again and again. Push, create, provisoire. Situation. Précaire. Soleil vert, soleil chaud, c'est ce sugar, sugar fou, classe, les infrastructures, on a tout ce qu'il faut, on peut accueillir beaucoup de monde, réfléchissons, beauté du peuple accueillant, voulant faire la fête simplement. When we were in love, that remember the time when we when we first met. Oh, my brother all around the wood. On this ninja session, unconditional love for all of you. Here, I'd rather stop for my neighborhood.